deni moun tou patou ka mache an la ri piti kon kon se menm direksyon yo tout la yo ka ale tous teni an le mort yo pas a reziste nou jan fè an loche men yon prezansè an mizik a koute tetan nou pa chanje avè tout problem la vi Parete un moment sans penser que la terre a qu'à tourner Oubliez tout souci, juste un soleil couché Juste un soleil la couché yeah. Juste un soleil la couché Café chaud, chalet à monter, wayo Sauter dans le camion, sauter dans le camion Café chaud, yeah, yeah. Chalet à monter, wayo Sauter dans le camion Ouais, ambulance.